بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الاستطابة باب الاستطابة c'est-à-dire le chapitre lié à la purification des impuretés après l'accomplissement des besoins. La purification des impuretés après l'accomplissement des besoins. An Anas ibn Malik, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ensuite, il nous dit l'auteur, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans le lieu pour accomplir ses besoins, il disait, lorsqu'il voulait rentrer, il disait, « Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. » On verra, inshallah, la traduction par la suite. « Wal-muradu bil-istitabah » تطهير القبول والدبور من البول والغائط بحجر أو ماء. Ce qui est voulu par le titre choisi par l'auteur, le titre de ce chapitre, ce qui est voulu par là, c'est la purification des deux orifices, la purification des deux orifices, avant et arrière, de l'urine et des selles par les pierres ou par l'eau. والمؤلف في هذا الباب سيذكر أحاديث متعلقة بآداب الخلاء. Cependant, l'auteur dans ce chapitre, il va nous citer des hadiths qui sont liés au comportement et aux mœurs à adopter lors de l'accomplissement des besoins. أما الدعاء المذكور في الحديث الأول. En ce qui concerne l'invocation citée dans le premier hadith, فقال بعض العلماء Al-Khubth. Certains savants, ils ont dit Al-Khubth avec une soukoun sur le B. Al-Khubth et pas Al-Khubuth. Et Al-Khubth, huwa shar. Al-Khubth, c'est le mal. Et donc, Allahumma inni a'udhu bika min Al-Khubth. Et donc, ô oh Allah, j'implore ton refuge contre le mal. Wa qala ba'duhum. الخبث والخبث هو ذكران أو ذكران الشياطين الخبث ce sont les mâles parmi les diables ولا شك أن الشياطين شر et il n'y a aucun doute sur le fait que les shayatin sont un mal et l'auteur ici Il a choisi donc Ad-Dhamma, donc Al-Khubuth. Et donc, A'udhu bika, au Seigneur, j'implore ton refuge, contre les mâles parmi les shayatin, wa Al-Khaba'ith. Al-Khaba'ith, c'est. Même en Al-Khaba'ith Certains ont dit donc les femelles parmi les shayatin. Tayyib. إذن يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته أن يذكر هذا الدعاء. Et donc, il est recommandé pour toute personne qui veut accomplir ses besoins de formuler cette invocation. وقد ذكر النووي الإجماع على ذلك. Et certes, الحافظ النووي a cité l'unanimité des savants concernant cela. ثم ليعلم أن الترمذي رحمه الله أخرج عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Et ensuite, il faut savoir que At-Tirmidhi, il a cité dans son recueil, selon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le voile qu'il y a entre les yeux des djinns, le voile qu'il y a entre les yeux des djinns et les parties intimes des enfants d'Adam, les enfants de Adam, est le fait de dire Bismillah. Est le fait de dire Bismillah. Voilà pourquoi certains savants voient qu'il est recommandé de rajouter le fait de dire Bismillah avant de rentrer aux toilettes. Et donc, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. وهذا الحديث حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه. Et ce hadith, certains savants l'ont jugé hasan en regroupant toutes ces chaînes de transmission. C'est-à-dire que ce sont des chaînes de transmission qui sont faibles, mais qui l'une aux autres se renforcent jusqu'à atteindre le titre de hasan. لكن الصحيح والله أعلم أن هذه الأسانيد شديدة الضعف ولا تتقوى وأن الإسناد وأن الحديث ضعيف. Cependant, l'avis le plus juste, wallahu a'lam, est que les diverses chaînes de transmission qu'il y a dans ce hadith sont très faibles et qu'elles ne peuvent se renforcer les unes aux autres pour devenir hasan. Certaines chaînes de transmission même contiennent des rapporteurs qui sont considérés comme menteurs. Comme menteurs qui inventent des ahadiths. À partir de là, c'est une cause qui fait que le hadith est très faible et que ce hadith ne peut pas être renforcé avec une chaîne de transmission comme celle-ci. Tayyib, ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا وغربوا. Ensuite, l'auteur il nous dit, selon Abi Ayyub al-Ansari, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous va aux toilettes, va à l'endroit où il accomplit ses besoins, alors, lorsque vous allez accomplir vos besoins, alors ne vous dirigez pas, ne vous positionnez pas en direction de la Qibla, ni dos à celle-ci, pour accomplir les selles et l'urine. Cependant, sharriku wa gharribu. Cependant, mettez-vous en direction de l'est et de l'ouest. Ça veut dire quoi ça? Mettez-vous en direction de l'est et de l'ouest. Pourquoi est-ce que le prophète il nous dit « Mettez-vous en direction de l'est et de l'ouest » ? Hein ? Le Qibla, il est entre les deux. Pour éviter d'être en direction de la Qibla. Alors aujourd'hui, si tu es en Martinique et que tu te mets en direction de l'ouest ou de l'est, tu te mets en direction de la Qibla. C'est en fonction de l'endroit où tu es situé. À Médine, pour eux, il fallait se mettre à l'est ou à l'ouest. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux compagnons et que pour eux, il fallait se mettre à l'est ou à l'ouest. Pour nous, tout dépend de l'endroit où on est situé. Ensuite, l'auteur nous cite un autre hadith. Ah non, excusez-moi, il continue en disant « Wa qala Abu Ayyub ». Abu Ayyub, le sahabi, le rapporteur du hadith, il nous dit « Qadimna Shem ». Nous sommes donc allés au Shem. Et nous avons trouvé des toilettes qui ont été construites en direction de la Kaaba. En direction de la Kaaba. فَنَنْحَارِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ. Et donc nous nous décalions de celle-ci. On se décalait de cette direction. On déviait quelque peu de cette direction. Et on implorait le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et donc, lors de l'accomplissement des besoins, il se décalait un petit peu pour ne pas être dans la direction de la Kaaba. Ensuite, l'auteur, il cite un autre hadith. An Abdillah ibn Umar, radiallahu anhuma, qual, qual Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, raqitu ala bayti Hafsa, ou yawman ala bayti Hafsa, fara'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatahu mustaqbil ash-sham mustadbir al-Ka'ba. Et donc Abdullah ibn Umar, il nous dit qu'un jour il est monté au-dessus donc de la maison de Hafsa, Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplissait ses besoins en direction du Shem et d'eau à la Kaaba. En direction du Shem et d'eau à la Kaaba. Et attention, une petite précision, Ibn Omar, lorsqu'il est monté sur le toit de sa sœur, il n'est pas monté pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça a été stipulé dans certaines narrations, li ba'di hajati. Je suis monté pour certains de mes besoins, certaines choses qu'il avait à faire. فالمسألة التي معنا في هذه الليلة هي الخلاف المشهور بين أهل العلم. هل يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ Et donc le sujet qu'on va voir aujourd'hui est la divergence qui est très connue entre les savants, entre les gens de science, qui est est-ce qu'il est permis de se positionner en direction de la Qibla ou dos à celle-ci lorsqu'on accomplit nos besoins. On fait plus long que d'habitude ce soir ou on coupe le cours en deux? On coupe le cours en deux, c'est vous qui voyez. Parce que le cours il est plus long que d'habitude. Fait. المؤلف ذكر حديثين الأول حديث أبي أيوب دال على التحريم والثاني حديث ابن عمر الدال على الجواز. Donc l'auteur il nous a cité ici deux hadiths. Le premier hadith, le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, qui indique l'interdiction d'accomplir ses besoins en direction ou dos à la Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ne vous mettez pas, donc ne vous positionnez pas en direction de la Qibla ou dos à celle-ci pour accomplir vos besoins, pour l'urine et les selles. Donc ce hadith, il montre l'interdiction. Le deuxième hadith qu'a cité l'auteur, le hadith d'Ibn Omar, qui montre l'aspect légiféré de le faire. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et donc d'un côté, la parole du prophète qui nous l'interdit, et de l'autre côté, l'acte du prophète qui le fait. فهذا هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة. Et c'est cela qui a fait que les savants ont divergé dans ce sujet. Le fait que les hadiths dans ce sujet se contredisent en apparent, ou du moins, au premier regard, on peut dire. فقال أبو حنيفة إنه يحرم مطلقا ولو في البنيان. Abu Hanifa, il dit que cela est interdit, est totalement interdit, même dans les lieux, donc même dans les bâtisses, même à l'intérieur des bâtisses, une mosquée, une maison ou autre. Il te dit, Abu Hanifa, c'est interdit de te positionner pour accomplir tes besoins dos ou face à la Qibla. Al-Jumhur, wa hum al-Malikiya, wa al-Shafi'iyya, wa al-Hanabila. يرون الجواز في البنيان دون الصحراء. Tandis que la majorité qui sont dans ce sujet, les savants du madhhab malikite, du madhhab shafiite et hanbalite, ils voient que cela est permis dans les bâtisses, contrairement à l'extérieur. Et donc celui qui accomplit ses besoins à l'intérieur de la mosquée ou à l'intérieur de la maison, il lui est permis de se positionner en direction de la Kaaba ou dos à celle-ci. Par contre, celui qui accomplit ses besoins à l'extérieur, là non, ce n'est pas permis. وقال داود الظاهري بالجواز مطلقا. Et Daoud al-Zahiri, il dit que cela est totalement permis. Cela est totalement permis. Donc on a combien d'avis ? Trois avis. Qui me résume les trois avis rapidement ? Parce que là, on va y aller doucement, doucement, doucement. Parce que le sujet, il est... C'est pas un sujet qui est simple. Donc, premier avis. Interdit totalement. Abu Hanifa. Deuxième avis. À l'extérieur, non. Ok. Donc, le deuxième avis, Al-Jumhur, c'est autorisé à l'intérieur des bâtisses et pas à l'extérieur. Troisième avis. Autorisé dans l'absolu. D'accord. Et donc, maintenant, on va voir les preuves. On va voir les preuves, Inch'Allah. دليل أبي حنيفة. C'est quoi la preuve de Abu Hanifa? Non. Alors, quelle est la preuve d'Abu Hanifa? Le premier hadith qu'on a cité, le hadith d'Abu Ayoub. Et donc, le premier hadith dans lequel on cite Abu Ayoub, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tastaqbilul qiblata bira'itin wala baul, wala tastaqbiluha » Ne vous positionnez pas en direction de la qibla pour accomplir l'urine et les selles. Et ne vous mettez pas dos à celle-ci. Et donc, interdiction. Ça, c'est le dalil de Abu Hanifa. Wa dalil al-jumhur. Le dalil de Jumhur. Donc le dalil de Jumhur, hadith Ibn Omar. Le dalil de Jumhur, le hadith Ibn Omar. Qu'on a vu, et il a vu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accomplissait ses besoins. Dos à la Kaaba. C'est bien, il faut retenir ça, dos à la Kaaba, parce que après on en aura besoin, Inch'Allah. Est-ce que c'est dos ou face? On en aura besoin. La preuve de Daoud al-Zahiri. Il dit que c'est totalement permis. Quelle est sa preuve? Moi, je ne sais pas où c'est qu'il est. Tu ne sais pas où c'est. Hadith akhrajahu Abu Daoud fi sunani. Un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud dans son recueil, Sunan. An Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم أو excusez-moi قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. Et donc Jabir ibn Abdillah, il a été rapporté de lui qu'il a dit le prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a interdit de nous positionner en direction de la Qibla pour accomplir l'urine. Et je l'ai vu un an avant sa mort le faire. Un an avant sa mort, je l'ai vu se mettre en direction de la Qibla pour l'urine. Ils ont donc dit « Hadha yadullu ala anna an-nahya mansour ». Ils ont dit, cela nous montre que l'interdiction a été abrogée. Pourquoi? Parce que là, c'est un an avant sa mort. Et donc, c'est venu après. Ça nous montre que l'interdiction a été abrogée. Donc là, les frères, c'est comme vous voulez. On continue ou on ne continue pas? On est à la moitié du cours. Est-ce que vous voulez qu'on coupe en deux? On s'arrête là. On a cité les preuves. Et demain, on débat avec chaque preuve, avec chaque avis. Ou alors, on le fait tout de suite. Ceux qui écoutent à la radio, eux, ils n'ont pas le choix. C'est vous qui décidez. Le silence, il veut dire demain. Le silence, il veut dire demain. Ok. Bon, on va arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, retenez bien, demain, au début du cours, avant de commencer, je vous interroge sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour être sûr que c'est maîtrisé, parce qu'on en aura besoin pour la suite, Inch'Allah Ta'ala, pour voir un peu l'argumentation de chacun. Tayyib. On va voir, Inch'Allah. طيب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك